Mwen tal nan gan bwa, mwen mal koube bwa, mwen se men gan ba, mi ga kou fem sa. Lwa souke kwa kwa, mwen mwen tombe lwa, lwa lwa nan bala, avek ki li bwa. Chez papa, on n'est pas dans ça, on n'est pas dans ça, c'est des gambas, c'est des gambas, il a ou fait ça. L'oiseau qui est quoi, fait tomber loi, fait tomber loi, la loi d'en bas là, la loi d'en bas là, avec qui les bois. Quoi, qui les bois, qui les bois, qui les bois, qui les bois, Kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, kiki, ki